Le chef de la délégation de l'Union de la jeunesse communiste Lénine de la Fédération de Russie, Oulazimir Isakov, secrétaire du comité central du Parti communiste et premier secrétaire du comité central de l'Union précitée, a déposé le 8 juillet une corbeille de fleurs et s'est incliné devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu à l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung.